T'appelles ça du rock, toi? T'as qu'à écouter du Patrick Bruel tant que t'y es. Si tu veux écouter du vrai rock, écoute British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Quartier Nord, 45 ans d'un amour inconditionnel voué au rock'n'roll à la sauce 100% marseillaise. Dans le public, certains sont des fans de la première heure. Bah, c'est Quartier Nord, c'est, pour moi c'est les meilleurs, c'est pour moi, à niveau de rock, là franchement, ils représentent bien Marseille. Bah, ils sont restés vieux rock, avec les vieux systèmes, les vieilles guitares, les vieilles Fender, et ça, il y a du son, il y a... Non, c'est un bon groupe, hein, c'est des bons musiciens. Un concert donné dans le hall de la bibliothèque L'Alcazar à Marseille pour la soirée de clôture d'une exposition. Elle détaille les prémices du rock dans la cité phocéenne. Le chanteur du groupe, Robert Rossi, a lui-même participé aux recherches. Dès fin 1956, on voit qu'il y a du rock à Marseille avec les soirées du St. James, un club de la rue Venture, où se produisent les Rock'n'Roll Cats. Ces dernières années, le paysage culturel musical de la cité phocéenne s'est métamorphosé, laissant la place belle au rap notamment. Mais pour ces musiciens marseillais, le rock n'a pas totalement disparu. Le rock continue à exister, mais plutôt dans des milieux plus aisés. D'abord, le matériel, ça coûte cher. C'est pas la culture des banlieues. Nul doute donc que le rock saura raviver la flamme dans le cœur de ses fans. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. L'ouvrage Quartier Nord, l'épopée du rock marseillais, retrace les 46 ans d'existence, c'est-à-dire de 1977 à 2023, du groupe Quartier Nord, dont la singularité est de chanter ses textes en marseillais. C'est-à-dire le franc-parler des quartiers populaires de la cité phocéenne. Totalement indépendant, loin des produits commerciaux imposés par le show business, affirmant depuis toujours une identité méridionale rebelle où tchatch et humour sont la règle, maniant un grand renfort d'expression épicée, autodérision et galéjade, mêlant texte caustique empreint du franc-parler spécifique à sa ville et rock engatsé, inspiré de ses glorieux aînés anglo-saxons, Quartier Nord invente le rock marseillais en colportant sa vision déjantée du monde à la sauce art, jazz, rock, punk, raga, metal, néo-médiéval, et ses musiciens sont les véritables créateurs de la mouvance musicale populaire marseillaise de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe, à laquelle de nombreux groupes ont par la suite accroché leur wagon. L'ouvrage se compose de 228 pages couleur et de très nombreuses photos qui remontent au début des années 70, époque des groupes de lycée pré-Quartier Nord, jusqu'au dernier album du groupe paru en 2023. Dans une cour désaffectée, percée tout le monde. Comporte 55 chapitres, mais il peut se diviser en 5 époques de l'existence du groupe. La première, qui va de 1977 à 1986, c'est le quartier nord d'origine, très rock blues et une forte influence de Frank Zappa, avec deux guitaristes qui peuvent passer sans problème de la rythmique au solo, vice-versa, et jouer en tierce. Trois albums sont sortis de cette formation. La deuxième, qui va de 1987 à 1990, est plus jazz rock, funk, avec l'arrivée des claviers. La troisième, totalement déjantée, est composée d'une pléiade de musiciens éclectiques, avec une musique aussi très très éclectique. La quatrième, qui s'étale de 2000 à 2021, est consacrée à la création de comédies musicales rock, avec metteurs en scène, costumières, décorateurs, vidéastes, etc. La cinquième, qui va de 2021 à aujourd'hui 2023, est totalement hard metal, avec une formation qui ressemble à celle des origines, c'est-à-dire deux guitares, un chant, une basse, une batterie. Alors, deux albums ont été publiés sous cette formation. It's only rock, British Connection. Marseille, un plat du midi, Marseille. la ville maudite. Pour te la mettre en sang, là y'a pas de limite. Ils visent le Mako, ils jouent sur le zéro. Des poivrons ramollo aux vapeurs d'apéro. Sans te connoquer, y'a encore du boulot. Vise un peu ses casquettes et ses boules à zéro. Un bled du midi, Marseille. Un bled du midi, Marseille. Un bled du midi, Marseille. Un bled du midi, Marseille. Je m'appelle Robert Rossi, dit Rock. Je suis né à Marseille en 1956. Je suis cofondateur, chanteur et parolier du groupe Quartier Nord. Je m'intéresse aussi à l'histoire, et en particulier de l'histoire de ma ville. Et j'ai publié, entre autres, une biographie du journaliste anticlérical Léo Taxil. Une histoire du rock à Marseille, de 1960 à 1980. Un roman sur la commune de Marseille. Et un autre sur l'influence de l'esprit de San Francisco du début des 70s sur la côte bleue, près de Marseille. J'ai par ailleurs été l'instigateur et le co-commissaire de l'exposition Marseille-Ville Rock 1956-1980, tenue à l'Alcazar Bibliothèque de Marseille du 8 octobre au 31 décembre 2022. Qu'est-ce que tu fous là? Entre un jeu de kek! T'es une mangarde celui-là! Hein. Dégage! Qu'est-ce que tu branles sur ma bécane? À te séquer sur l'arbre à gamme! À me niquer les suspensions! Et tout ça pour pas un rond! D'être un jeu de pagalenti! De gros kek de mes venti! Un double sur ma selle, je t'ai le pire pour ma brêle. Entre-toi de mon Solex, où je te file un pastichon. Et plaque-moi cette Rolex, où je t'explose pour de bon. Eh vas-y, minot, poulègue. Et ben je m'appelle Skeg. Un bon conseil, tu me défègues. Les hommes bébés, je les relègue. Jurer mon émerveille, pour que je crache un peu d'oseille. Qu'est-ce que tu me pises les noisettes, à me gâter sur tes conquêtes. Un bon coup dans ma mobilette, ça vaut tout ce qui se la pète. Entre-toi de mon Solex, où je te file un pastichon. Et plaque-moi cette Rolex, où je t'explose pour de bon. Et vas-y, Milan, poulègue, des plaques, je me bats le skeg. Et mon cousin qui me défègue, les affaibés, je les relègue. Entre-toi de mon Solex, entre-toi de mon Solex, entre-toi de mon Solex, entre-toi de mon Solex, entre-toi de mon Solex, entre-toi de mon Solex. Entre-toi de mon Solex. Et d'abord, entre-toi de mon Solex. Entre-toi de mon Solex. Entre-toi de mon Solex. Entre-toi de mon Solex. Entre-toi de mon Solex. Entre-toi de mon Solex. Entre-toi de mon Solex. Entre-toi de mon solex. Entre-toi de oh, mon solex. Mais t'es encore là. Entre-toi de moi, mon je solex. Je ne crois pas. Entre-toi de mon solex. Oh mais c'est pas entre-toi vrai. T'es un catané. Entre-toi de mon solex. Mais c'est que entre-toi je vais me laisser confondre à cet enculé là. Entre-toi. Et casse-toi de là, Pébron. Salut, c'est Igor on the Hippie Note. C'est Henri Padovan. C'est Kent. C'est Pat Kebra. C'est Presque en Métropole. C'est Google Premier. C'est les Teacup Monsters. C'est Jeff de Yalta Club. C'est Amar des Frelons. C'est Morgan et Antoine de Belle Plaine. C'est Nico du groupe Innocence. Salut, c'est Sylmarine, on écoute British Connection. British Connection. Et tout de suite, les satellites, rien à voir. Ce sont les Américains. Ladies and gentlemen, Tiens, une date à retenir, c'est vendredi de la semaine prochaine, le 12 janvier, sur France 5, à 22h35. Il y aura une superbe émission, ça s'appelle Punk is not vraiment dead, de Lionel Boisseau. Ça va durer 55 minutes, il me semble, sur toute l'époque du rock alternatif des années 80-90. Ça va être vraiment terrible, terrible, terrible. Et maintenant, les vents passent, hein, qui, depuis cette période alternative, sont toujours présents. Et là, très récemment, une figurine de Didier Vampasse est sortie en jouet. Et oui, vous pouvez le retrouver sur la page du groupe Facebook des Vampasse. Voici Petite Fille. Connection, l'émission rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la troisième partie et fin de l'album de la semaine. Il s'appelle Rue de la Forge Jamais Vaincue. C'est leur nouvel album. Retrouvez sur leur page Facebook tous les liens pour écouter leurs précédents albums, voir des vidéos, etc., etc. Bon, le prochain, c'est Pavillon Rouge. C'est la suite directe du morceau Les Rois du Large, un bon délire pirate. Pavillon Rouge, c'est une vraie... Enfin, ça existe vraiment, en fait, à l'époque de la piraterie. Quand on sortait le Pavillon Rouge, ça voulait vraiment dire pas de quartier, quoi. Ça nous fait particulièrement plaisir de le balancer à la British Connection, parce que dans Pavillon Rouge, on aborde un navire britannique. On va le saigner. Et on le fait avec des poteaux de Toulouse qui s'appellent Barbarorum. British Connection. British Connection. British Connection. Paris, allez, s'appeler Dans la finesse, on frappera pas par politesse. Par-dessus bord, tu vas goûter à l'ivresse. Et profondeur, tout ça.